FrenchPod.com. C'est la première fois que tu viens à la piscine ? Je sais nager. C'est juste la première fois que je vais dans le grand bassin. C'est bien. Je vois que tu n'as pas oublié ta bouée. C'est pas drôle. Bon, regarde-moi sauter du grand plongeoir. J'appelle le maître nageur ?